silure de silo hind a brezhoneg. Silure de retrouvi hind a brezhoneg. Bonjour, c'est Anne et Henri sur RKB pour Interbrezhoneg. Donc aujourd'hui, on va parler d'un mot court, MAE, mai. C'est le nom du mois de mai en breton, mise-mai, quoi. Et alors, donc c'est le nom du cinquième mois de l'année civile. Alors le mois de mai, c'est un mois du renouveau, en fait. Hein. Le mois de l'espoir, c'est un mois qui est entièrement compris dans le printemps. Et d'ailleurs, selon la tradition, on disait Hunter May et Shuurguan. Le 15 mai, l'hiver est fini. C'est-à-dire après les fameuses saintes glaces, quoi. Mm-hmm. Après la Saint-Servais pour nous, hein, le 13 mai. Voilà, ouais. C'était la fin de l'hiver, quoi. Normalement, il y avait plus de gelée. Enfin, bon, ça peut revenir, mais le mois de mai. Puis alors, c'est vraiment, c'est un mois qui était le mois, j'ai dit du renouveau, c'était le mois des engagements aussi, le mois des amours, par exemple, hein, c'était l'époque où on commençait, en principe, à fréquenter une jeune fille ou un jeune homme, hein. Il y avait une chanson dans le Pays Gallo qui disait, c'est le mois de mai, n'attendez plus car il est temps, belle, prenez-moi pour votre amant. Il y avait des engagements d'ouvriers agricoles, hein. Bon, c'était pas la plus grande période, c'était la Saint-Michel, mais il y avait des engagements bien avant les grands travaux finalement, mm-hmm. hein, le foin, la récolte, les moissons, tout ça. Donc il y avait des ouvriers agricoles qui étaient engagés à ce moment-là. Donc voilà. Alors le nom du mois de mai, ça vient du latin maius, donc qu'on retrouve un peu dans toutes les langues en Europe. Hein. Donc, parce qu'on dit que c'est une racine latine, mais c'est certainement une racine plus ancienne, hein, indo-européenne, et qu'on va retrouver dans toutes les langues en Europe. Je sais pas, par exemple, en français c'est mai, en italien maggio, en anglais mai aussi avec un y, hein, le Mayflower, hein, le fameux bateau. Alors Mayflower, c'est l'aubépine, hein, qui est vraiment la plante symbole du mois de mai. Donc Spernguen en breton, mm-hmm. et donc le nom du bateau qui a emmené les 102 premiers colons qui sont allés fonder la Nouvelle-Angleterre en 1620, quoi, et qui sont à l'origine des États-Unis, quoi. Les Pilgrim Fathers, qu'on les appelle maintenant, enfin qu'on les a appelés par la suite, donc les pères pèlerins, quoi. Donc qui sont allés fonder la Nouvelle-Angleterre puis l'ensemble des États-Unis, quoi. Et donc on va retrouver ça un petit peu partout dans toutes les. Alors il y a plein de proverbes, hein, sur le mois de mai. Par exemple en breton on dit mise-mai globem désoré reneu bébéidé, c'est-à-dire au mois de mai comment dirais-je, de l'eau tous les jours c'est trop, mais de l'eau tous les deux jours c'est pas assez. Et ça, on trouve ça un peu dans toutes les régions de Bretagne, hein, c'est cette idée-là qu'il faut de l'eau pas tous les jours, mais quand même pas mal, hein, parce que c'est la pousse de l'herbe, hein, et la pousse de toutes les cultures. Par exemple, on disait aussi mise-mai quand on a gai. Hein, donc au mois de mai, le chanvre est gai parce que c'est là qu'il pousse, hein, et c'est une plante qui a une rotation rapide, hein, une pousse rapide, et donc on le voit pousser pratiquement à vue d'œil. Mmh. Hein. Et il n'y avait pas de proverbe sur le maïs parce que le maïs c'est un peu ça, c'est un peu la même période aussi, hein, c'est un peu, et c'est vrai que le maïs quand il fait beau au mois de mai, quand il y a de la chaleur, on le voit pousser à vue d'œil, mmh. d'un jour à l'autre. Hein. Voilà, donc beaucoup de proverbes, beaucoup de chansons sur le mois de mai, un petit peu comme dans les autres régions. Hein. Donc, j'ai dit c'est le mois de mai, mise-mai. Alors donc, il y avait aussi, c'est un mois qui est très important pour la religion, ce qui est normal, puisqu'en fait l'année religieuse elle suit l'année climatique plus que l'année civile, en fait, hein. Et donc le mois de mai, il y a souvent l'Ascension par exemple, qui est 40 jours après Pâques, qui tombe au mois de mai. Et puis c'était l'époque où on demandait aussi les jours avant l'Ascension, on faisait ce qu'on appelle les rogations, Rogations-nous en breton, hein, c'est donc qui étaient des processions pour demander justement la protection pour les cultures et pour les troupeaux. D'accord. Et c'était aussi c'est aussi le mois de Marie, hein, donc où on organisait autrefois des prières chez les gens, comme ça à tour de rôle, hein, pendant le mois de Marie. Et c'est aussi donc c'est pour ça qu'il y a aussi des saints qui sont célébrés à ce moment-là, en particulier bien sûr Saint Yves, hein, qui est le plus connu le 19 mai, puisque il est célébré le 19 mai puisqu'il est mort le 19 mai 1303. Donc on a pris l'habitude de le fêter ce jour-là, et c'est le saint patron de la Bretagne, enfin bon, Zanderwan, hein, Neuskedin Breiz Evel Zanderwan, hein, le cantique bien connu. Donc vraiment, et bien il y a d'autres saints comme Saint Ernin par exemple, hein, le 7 mai aussi, hein, donc qui sont célébrés à ce moment-là, et ça tombe justement dans ce mois qui est un mois qui était très important, hein, pour la vie des gens. Alors il y avait, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de proverbes. Alors il y a aussi le fait que bon, le mois de mai, c'était le 1er mai a toujours été quelque chose d'important pour les gens aussi, et puis c'est devenu après à la fin du 19e siècle une journée de revendication, hein, donc et de lutte, hein. Donc la fête du travail, mais qui au départ était pas une fête légale, hein, et que ça donnait lieu à beaucoup de grèves et à beaucoup de manifestations, avec souvent des chocs assez importants avec les forces de l'ordre. Et donc la deuxième internationale socialiste là, en 1889, avait tenu son congrès à Paris, et elle avait déclaré fête du travail. Et par exemple, en URSS, ça a été déclaré fête légale à partir de 1920, et en France, en 1947. Donc la fête du travail, qu'on associe ici, nous aussi, au muguet, puisque dans la nature, le muguet fleurit à peu près au 1er mai, quoi. Certaines années un peu avant, et certaines années un peu après. Mais de toute façon, le muguet qu'on achète, c'est du muguet cultivé pour arriver à ce moment-là. Donc, mais des fois aussi, il y a des problèmes, il arrive trop tôt. Hein. C'est la région de Nantes, hein, la région de Nantes produit énormément de muguet, hein, le fameux muguet nantais, quoi. Et donc, alors il y a aussi des proverbes. Il y avait un proverbe qui disait que calende mai. Donc calende mai, c'est le premier jour de mai. Goulet de pessardé, vonné délec. Vous saurez quel jour se tombe Noël, puisque le 1er mai tombe toujours, quelle que soit l'année, le même jour que Noël. D'accord. Puisque on a passé, que ce soit une année bissextile ou une année normale, on a passé le mois de février, oui, donc oui. Le 1er mai tombe toujours le même jour que Noël. Et ça marche aussi avec la fête de Saint-Germain le 31 juillet, qui tombe toujours aussi le même jour que Noël, quoi. Voilà. Donc beaucoup de choses sur le mois de mai, quoi. On peut souhaiter aux auditeurs un mois de mai joyeux, comme pour le chanvre, hein. La mise mai quand abgay agendune ma treize divée. Bien, merci Henri. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, Brézonnec, temps m'attend. Où on va? On n'avait pas terminé, non, la dernière fois, Henri? Oui, alors, on avait parlé du... C'était, en fait, Tchernik était allé voir Iwan Ndu, qui est le recteur de Zantolok, pour parler, pour annoncer le pardon de Saint-Hernin à la chapelle de Kerizel. Et là, il retourne le voir pour lui demander si ça s'est bien passé. Ah bah oui. Voilà. En amont et en aval. Voilà. On écoute donc Tchernik et Iwan. Salut d'autres ou personne. Tremenen ma des bêtes, pardon de Zantern. Oh, de Zorgwell en Tchernik. Kaza dut zobet. Feyavat, pelzo ne moi que gualtiem edel le dut ba pardon de Zantern. Guire ou abra en amzer. Kaza dut ou abanaverne, a muoroas bagus peiro. Hag eo gouspeer ouzh eus obe kandet o ar tont ur rampouz kuiniz. A juz war, oa l'er, oa krampouz vid un dud, de c'hot az ur fez noz. Hag ur fez noz? Tiem eo del eo dud oa ba fez noz, a plijad ur zobet, fez noz mot koz oa, gant kanerien a zonerien de zevro. A savet zobet an tamm maran? Ya, ma tre ebe d'an traoù, setu vo an tammer an oaz vid echu e labour zo dober war a chapel. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on récolte de l'argent pour retaper les chapelles bretonnes qui se portent quasi toutes très bien maintenant. Oui, ouais, maintenant ça commence à se faire. Ah, on a un petit parc là. Ouais, ouais. Alors, Tchernik, salut aux troupes personnes. Tremenen ma, debe, pardon de Zantern. Oui, bonjour monsieur le recteur. Ça s'est bien passé. Tremenen ma, debe, pardon de Zantern. Le pardon de Saint-Hernin. De Zarguelan, Tchernik. Le mieux possible, Tchernik. Kalza dut zobet, demande-t-elle. Ya, kalza dut zobet, feyavat. Kalza dut zobet, on traduit. Oui, il y a eu beaucoup de gens. Hein, ouais. Kalza dut, hein, ouais. Zobet. Feyavat. Pelzo, ne voit qu'avec Kemenal a dut, bah pardon de Zantern. Alors, feyavat, ah, vraiment oui. Hein. Feyavat, c'est ouais, vraiment, quoi. Hein, ma foi, oui. Hein. Mais c'est plus fort que ma foi. Pelzo, ne voit que Betchemedel a dut, bah pardon de Zantern. Depuis longtemps, il n'y avait pas eu autant de gens au pardon de Saint-Hernin. Guire et Wabra en Amza. C'est vrai que le temps était beau. Guire Wabra en Amza. Calzadut et Wabanoverne à Muoroise d'Argouspero. Ya. Calzadut et Wabanoverne, il y avait beaucoup de monde à la messe, à Muoroise de Gouspero. Et encore plus au Vêpres. C'est rare ça. Ouais. Aga Gouspero, Azobet Kanet, Warton, à Krampus Guinis. Voilà. Aga Gouspero, Azobet Kanet, Warton, de Krampus Guinis. Et... Aïe, aïe, aïe, je sens que tu vas chanter Henri. Non, pas. Peut-être. C'est quoi le ton des... Ton de Rampouskini, c'était... c'est le grégorien, en fait. Hein. Donc, on chantait ça pour les grandes occasions. Hein. Les Vêpres, ça commençait par le Dixit. Hein. Dixit Dominus Domino Meo Cerea Dextris Meis. Bon, voilà, et la suite. Le voilà. Grégorien, c'était le ton à Rampouskuinis. Ton de bon. Rampouskuinis, ouais. Parce que c'était lié au crêpe de froment qu'on faisait ce jour-là. Parce qu'on recevait les amis. Donc c'était pas du blé noir. Et c'était pas du blé noir. Ton de Rampouskuinis. À 4 heures, on faisait la 4 heures avec les crêpes de froment. Bon. Eh ben, on continue. À juste voir, war l'air, zé war crampouse, war en dut. La hortose arfesnos. Voilà. Et donc, Videndut. Alors voilà, une bonne transition. Et justement, après ça, il y avait des crêpes, hein, war crampouse, videndut pour les gens, pour, de hot as arfesnos, en attendant le fesnos. Agar fesnos? Et le fesnos? Kemenda la dut, wabet, fesnos, à plijadur zobet. Il y avait autant de gens, donc au fesnos, hein, Kemenda la dut, wabar fesnos, à plijadur zobet, et il y a eu du plaisir. Fesnos mot cause, c'est ouais. Quand on a rien, on n'a rien de zavro. Ouais, fesnos mot cause, oh, ça se traduit pas, hein. Non. Hein, fesnos mot cause, avec des chanteurs et des sonneurs du pays. À savet zobet, un temps marron. Voilà. Alors là, c'est une expression zéveler, hein, et on a levé un peu d'argent. Ouais. Hein? Donc on a ramassé un peu d'argent. Il y a ma très belle entrave. Oui, ça a été très bien. Hein? Sais-tu vos harangues d'Aubert à Labour, au chôme d'Aubert War Chapel. Voilà, comme ça on aura de l'argent. Sais-tu vos harangues d'Aubert à Labour, au chôme d'Aubert War Chapel, pour finir le travail qui est engagé sur la chapelle, ce qui reste à faire. Bon, la chapelle voilà. Zantern. Zantern, voilà. Ouais, elle est jolie, hein. Allez, on poursuit avec Petra Zonévé Arvro. Vendreau et Veljus Boervich Diusan. Rogund de Dientan Vel Custum, Gandelor Bourdoua, Agervu et War Hermès. Et Ruyon Bremont, Bacreis et Nevehan. Urguan, Eusobédi, Hir, Yin, Bédéfine, et deux de Namzor Vrau, Pessomatré et Vide la Bouradon Doua. Bafin Misébol, et Erue de Goku Bavro. De Bemoir Nugen Misébol, et Musclevenei, Vide en Vestiantan. Clepeuse Goku? Ya, Clevenmus. Babulat? Ya. Ya, Musclevenan, bah, tièrement nous. A tu de saut, l'art est, wa Daupédri, Ou ni one clave de Goukouk d'Opédri des Rogues. Mais là, il y a des mots de Nangou y attendent de ce bar ou ce glaive de Goukouk de Dientan. Or Goukouk, Bédéfins, au Narwis de Zeneve Hamzer. Ou Arland, il n'y a que quand de Kals, mais me zang, blanc, me équella. Gouigel, pévigé, me zbi clave, me mouerbez, au canon, or Polka, vid or Goukouk. Erre Goukou Bavro, Erre Goukou Bavro, Erre Goukou Bavro, Cleve Meusnei, Bakermonou. Puis dur dermot, Batirmonou, Vigé Cleve de Goukou. Arroise Vigé Lara, Doualer. PVE Goukou Bazevro, PVE Goukou Bazevro, PVE Goukou Bazevro, Vegualbon, la Capato. Un guiré, hein, Benahan Venaï Point de la Capato. Ag Velarandar, et ben, Meuscleve d'Or Goukou, Batirmonou. Epiblère de ze bid, l'homme ve koukouille au bopet, ve kande d'or goukouk, da square ba brohalo ve kande de, ve kande, j'ai oui le koukou maille maille, j'ai oui le koukou maille tout. Ah bah, brozos ve kande de, or goukouk, war on ton, a zo bed in pli, je dois l'air, vide, on ton de cause, mais zo bed in pli, je de vide film où, Laurel et Hardy. Ruiz O'Reilly, on peut se que Guelcaz, Laurel et Hardy, ma treize. Tommy. Y'a un Tommy, y'a. Mi Piwanyo, on, bon, vigé Guel, Dalise, Laurel et Hardy, elles obligées de vigoler. Ag, un ton, c'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est, hein, t'en l'en pas, pom, pom, pom, pom, pom, zé, zo, ton or, goku, ma brosos. Voilà, et, bon, mais ayon de pelle, on tombe de me gonte. Han de gant ton tamm, bon men de ze la bour doua. Neus ke gwal belzo, oa bed ministre la bour doua, Stéphane Orfol, hez o breiz a don tamm, de ze fami, a oa bed e breiz o ron tamm tro, e breiz izel dreiz tol, hein, hag gren de zon tamm tro, ban o ferm, ferm Pierre Coz, ar de zon drenek, Ag parle VHS oua dion kenyan tan me labrer yon doua, pu dur zo kal ze guden ou mar e mang an alor bour doua. War an kad agen e deu de ben, me bo pe bede hor an tam tro. War dach en endro, bremañ, enfin, war dach en alor bour doua hag en endro, ben e fin, ba bro o repas o bet divizet, diven implij louzei ur chimik zo valtri vid ur gwenand. Bon, j'ai son ravat, vide Nendro, vide or Gwenand, puis dur, Gwenand, zo, bouez, et vel juste, vide, d'azon d'orbit. Mais de, stay ou bras, ne scals, gal ou d'un calz erran, nag, bon, divin, des, louz, ou ze, vide, d'aula, hein, spi, meus, vauder, de, divin, ne, mais, ni que zur. Bon, bah, vous, hein, me vegrez, Alice, commis, l'arbre d'ouar, Ag blanc me bat canton de cal, ag vos grètes de nonné que mis vouen, bas en serveuse. Hervé Pes de Zobé Disclériette, quand Alfred Boutier, zo président de Remis, canton de cal, ag va occuper de l'assaut, mais pelzo zo bopet. Ag blanc me vos grètes de bas mis vouen. Bonne vie chaud mon temps, me wardro un endro, au logo d'un pendal hall, tri, zobé de cave, nevesso, bas gourine. Logo d'un pendals, il me gala velard zé chauve-souris, hein. Logo d'un zé, zo, latin, pipistrella natusi, ag, galak velard chauve-souris de Mathusius, ou pétan, pipistrelle de Mathusius. Ag, bon, aïe bavro, vraiment, no ramp, que la gué chomo, hein. A ma treizaine, derne l'art, et, Et liam me zé gant, gant eus keulam, sorbonne. Gwelet vo ma gé chom Wens de Bavro. Mais de guirer Lons au cap de Nige à spend 50 km, ben au nonce, c'est tu ma 13 ne voit que j'onge, mais de train, mais non tant que trop. Mais aïe-oir excuse de ton pelleur. Hag evel juste bon hendel zo kal zo wen oel a vid logot pendal bavro am. Hag bakern a skleden zo gred o ti un logot pendal la maison du pat, du la maison des de la chauve-souris pe la hain brad. Bon, pe on komps de ze lon eut gwe, gwell am eus vije gaet baleaden ou vid dizolo in lon eut krohennek, l'on eut krohennek velard in galak batracien. Ur gier zeus o deut de ze gression eut batrakos, batrakos e gression eut zo o gleskeeren. Hag meske l'on eut zeus o re an eus o lost a re an eus o dilost vel ur glesker pe en tousegi. Hag gwell eus meus ba plouizi, hendel zo l'on eut el, de ze famize vel eus zourt, zourt, goudret petare ar zourt, ur zourt zo du a melen, vel gred in galak salamandre, hein, zourt, ya. A ba bro halo vel ar a sour, memes bon. Hag hendel zo zourt dour, oaz, vel gret triton in galak. Hag bon, gwevel meus oa gret bale aden o vid dizolo in londes ba plouizi, a ba landbern, ba gronvel. Bon, veje lamz o vegwell da ave kleve de glesk ar okan a gen tousse givé. Bon, dan mon tom war dachen ne zivena dur pelar in mat. Neske gwell belzo e bedim bande de bembe diveren de zor gelaouen moui memor kreiz breiz. Hag a zo kaz le penadou war istor evro da skwer zo ur penad war bu ur belajen de skreiz breiz zan dandri ba botora. A hendel, lina gourmelon eus gred o ur penad di war ben ur feznoz, hein, pudur zo bet kom ze kalz eus feznoz ba mistier zu, pe bet lak war rol ur glad gant un UNESCO. A neus gred, lena neus gred ur zo labourat ba ti ur glad ba lokarn, ar neus gred o penad war ze. Bon, war dachen peso un istor evro, oaz, o levor zo bedim ban un evesso, war istor evreton o kuitad evro. A skrive de bit gant Marcel Ormoal, zo an avet mod de Kreiz Breiz, a an avet mod da rostren evel just, hag eus an eus labour kaz war istor breiz, hag eus levor zeus zo un levor galag e, a zo randvet l'emigration breton. Hag eus o imbandet gant kop breiz. Hag eus o moyen de gant venan, ba staliou, war dro. War da chen istor evro, c'hoaz, zo bet imbandet o leverel, gwell arret zo kalz historianet ba vro am, hag eus o zo bet skrivet gant Hervé Egal, zo chom ba gronvel, an eus gred o lever war parouzant Mikkel, pe mam eus vejo vel ar Mikkel berabert, hag oa gwejel or parouz, hag zo bremañ ba parouz gronvel. Bon, war an dachen ar brezan eo bremañ, la moadar e vejel pe gen val oa stad ar yez, pe dur pe un traoù war dro ar yez, bopet, pe dur oa bet venar an gant bro vranz, zin an karta yez ou gwaske de bro Europa. A kalz e dud oa c'hot az vije begret ze a zo bet dipit un braz. Mi non ke bet dipit eut pur dur ne non ke benefi non ke c'hot az man e bet deze jacobinet na jacobine ru pe gwen pe pechar. A gant se non ke bet dipit eut, met bon guire e ren der en stoum me mestra. Kus il zive na dur al breiz ne skrive de notre héro vigoul gantan kaz un traoù a rog. Jiwas Karadin e Kouls mont de ti un tour de glas que Gordon de Chanchetu de Novel potier zéro neus la bo war ar mar emant hag gredan ke l'ar de mon hond d'or kalz drav id an brezan de bon dernel de zun du de jonge ve fe bemad goul gant un UNESCO vas gwell aret ober an dra benek vid an brezan de mais de UNESCO neus galout be de brovrans hein. C'est-tu bonne grédant que de vos grètes calze dravi d'embraison de grande UNESCO. Déjà, et bela que d'or fais non, c'est ok, mais de grédant que heipé la rentrope. Bon, crog et nom, se repardon, you, bavrou. Zultien t'en de mismé, d'ascoya, ou à pardon de ba locarne, pardon de zanderne, ou à pardon de ba diaudet. Ag, blanc me ou à bras, nom, se. Qu'à Alice, ba pardon de diaudet, hein, zultien t'en mismé, avec quoi le domme nom, se. Ar me zguel, dénom, ba diaudet, me zguel forge Roland. Ag, zo ranav de mon, zo de zantouerno, ba boulevriac. À la redin gwegel, vige, rimadel, à galare, pardon, diog de bamisme, ma peus di ou chupen la kené. La kené di ou chupen, ka, vige que redom. Mais blanc, ouak, que des hommes de gars, di ou chupen, zizosur. Bon, hendel, ne ce que gwal belzo, ou avait des chu amand de kandor bob bapondi, bedon de blanc, à kave meus ou abra ou entro, cleve meus calze dro, kane ou enou, gwel meus bugal et ou kan, bon, à calze dude au son, à bonne bras ou un trou. À bonne blanc me wa deugen lasso, boue wa lance de corner bob, à zizo matri. À Hendel Bakalak, strola de la belle équipe, nous lead de i hugen vla, i hugen vet blab, et la renoa de diabla. À strola de la belle équipe, rawardro er cinéma, Bakalak. Calze dro plus justré ve gret gante ve jo ve te tu dan eus gret film ou de kom spes a bon en gret a tout hag zezo e bouez vel just vid kalak se tu la rand chans vat strola de la belle équipe a bremañ ben calze dro ve fe bet de l'ar a droaz me masen e aip poan e chui vi hudu ben vegel vo l'ar a droaz se tu tien ar vegel a hand chilo veyan de l'ar kabe